9. Dans la gare de Bordeaux, où déjà des lumières brillaient de toutes parts, je cherchais des yeux Valère Châtelier parmi la foule. Je le cherchais trop loin, il était là, tout près, et sa voix me fit sursauter. Je passai vivement mon bras sous le sien, et peu après, tournant le dos à la ville, nous cheminions le long du fleuve qui miroitait de place en place sous l'éclairage des quais. Cette arrivée de nuit dans ce pays inconnu me causait un réel malaise. Ce fleuve, dont j'entendais le glissement sourd à mes côtés, me faisait penser à une bête sournoise nous suivant dans l'ombre. Et tout de suite, je dis ma préférence pour la petite rivière qui passait tranquille entre les prés du moulin. Comme pour éloigner ce souvenir, Valère Châtelier, tout en marchant, parlait d'amour et de paix. Il disait sa joie de ma venue à son premier appel et aussi sa confiance dans notre union parfaite et libre. Ses paroles se mêlaient à la nuit qui s'épaississait, au vent qui soufflait avec force, elles se mêlaient au clapotis du fleuve, aux cris des bateliers sur la rive, à d'autres bruits encore venant de la ville et que je ne pouvais préciser. Mais bientôt, plus forte que tous ces bruits, plus forte que les mots d'amour de Valère, des voix chéries crièrent vers moi. Le vent les avait prises sur ses grandes ailes en passant par le moulin, et maintenant il les dispersait à ma recherche. « Toi, Annette Beaubois, as-tu longuement songé à ceux que tu vas laisser derrière toi ? » Dans mon cœur débordant d'amour pour un seul, il n'y avait pas de place aujourd'hui pour ceux-là. Pendant ce voyage de quelques heures seulement et qui m'avait semblé plus long qu'une journée entière, aucun de ceux que j'avais laissés derrière moi n'était entré dans ma pensée. Et voilà qu'ils se réunissaient et m'appelaient. Leur voix m'arrivait tantôt comme l'avertissement d'un danger et tantôt comme un appel au secours. Et soudain j'eus peur. J'eus peur des voix chéries. J'eus peur de la nuit et du vent, des clapotements du fleuve et de ce pays que je ne connaissais pas et, toute frissonnante, je tournai la tête pour regarder derrière moi. Valère, avec de douces paroles, m'obligeait d'avancer. Il m'entraînait, me serrant davantage contre lui. Et peu à peu, dans la chaleur de son corps si proche du mien, dans le soutien si ferme de son bras, je repris confiance et n'entendis plus que sa chanson d'amour. Nous voici devant notre maison. La porte en est ouverte et sur le seuil une très vieille femme s'efface pour nous laisser entrer. Elle m'aide à ôter mon manteau et me conduit à la cuisine, vaste et propre, où la table est mise et où brûle un feu vif qui lance de joyeuses étincelles. Je m'en approche toute joyeuse aussi, et la femme me dit aimablement « Ce n'est pas une maison riche, mais quand on n'est pas trop difficile… » Je reste les mains à la flamme, et c'est Valère qui répond en riant « Nous serions très mal à l'aise dans une maison riche, nous avons des habitudes de pauvreté qui nous sont chères. » Tout en disposant deux chaises devant la table, la femme s'adresse de nouveau à moi. Vous arrivez juste comme les hirondelles s'en vont. Quelque chose dans ma tête s'effare. Les hirondelles. Ah oui, je les avais oubliées. Elles partaient du moulin ce tantôt, elles m'ont suivi. Le vent aussi m'a suivi. Mais la femme ajoute. Elles partiront demain matin à la première heure. Elles savent bien que la tempête amène le froid. Je voudrais parler à mon tour. Je voudrais sourire aimablement, mais il reste dans ma tête comme un grand vol d'hirondelles, et c'est en moi-même que je dis « C'est vrai, leur voyage n'est pas terminé, il leur faut aller plus loin, beaucoup plus loin pour trouver de la chaleur. Mais pour moi, la tempête peut amener du froid, beaucoup de froid. Le feu est mon ami, il saura bien me protéger contre l'hiver qui s'annonce. » La vieille femme, comme gênée de mon silence, donne encore quelques détails sur le climat d'ici, et la main sur le loquet, elle nous souhaite le bonsoir et s'en va. Nous prolongeons notre repas. Valère dit ses espoirs d'avenir dans le travail, il est content de sa nouvelle place et il parle ainsi de ses patrons. Le mari et la femme s'entendent à merveille. Tous deux sont honnêtes et commerçants comme le commerce même. Il connaît déjà leur vie passée. Très jeunes encore, ayant les mêmes goûts, ils ont débuté comme marchands ambulants sur les foires et marchés de campagne. Puis l'idée leur est venue de monter une boutique dans une petite ville. La boutique a prospéré, ils l'ont vendue pour en monter une autre ailleurs, et ainsi de suite. Actifs et adroits, en une trentaine d'années, ils ont réalisé une fortune. Mais s'ils ont aimé le travail, ils aiment maintenant faire bonne chère. Ils restent trop longtemps à table, les employés se moquent d'eux et le commerce périclite. Et Valère, tout heureux, ajoute « Ma manière de faire leur plaît, et si je réussis à remettre d'aplomb cette maison qui tombe, mes appointements seront doublés et j'aurai des intérêts dans l'affaire. » Comme nous avons prolongé le dîner, nous prolongeons la veillée. C'est vraiment aujourd'hui le jour de notre mariage. Nos deux chaises rapprochées devant la cheminée, nous regardons vivre le feu. Il semble qu'il brille ce soir pour notre plaisir et notre repos. Longtemps il déploie ses couleurs éclatantes, et là, en fin de temps d'effort, il replie une à une ses flammes, s'étend en braise magnifique sur toute la largeur du foyer, et tout doucement se couvre de cendres et s'endort. C'est l'heure d'aller dormir pour nous aussi. Nous quittons nos sièges et Valère prend la lampe. Des jours viennent, durs, s'éloignent, et notre vie, ainsi que nous l'avions espérée, reste faite d'amour, de bonheur et de tranquillité. De plus, un miracle s'est accompli. Je ne suis plus boiteuse, ou à peine. Quelques lamelles de cuir pour hausser le talon de ma chaussure, une certaine façon de marcher sur la pointe du pied et le balancement si désagréable s'est changé en une simple raideur du corps que peu de gens remarquent. C'est moi qui ai voulu cela afin de passer inaperçu au bras de Valère. Il a cédé pour ne pas me contrarier, car il n'attache aucune importance à mon infirmité. « Ce qui importe, a-t-il dit, c'est que ton cœur ne soit pas boiteux. » Dans nos promenades par la ville, il nous arrive de nous quereller tout bas. Valère, oubliant que nous ne sommes pas seuls, se penche brusquement vers moi pour un baiser. Je le repousse, lui faisant honte de cette familiarité devant les gens et surtout devant les enfants dont les yeux étonnés nous suivent. Il rit de mes scrupules et il me dit « Vois comme c'est mal fait. Si je te battais, les enfants auraient le droit de regarder. » Nous avons un chien, rapide. C'est un grand chien noir et blanc qu'une maladie mystérieuse jette parfois sur le dos, la gueule écumante. À cause de cette maladie, son ancien maître voulait le tuer. J'ai été assez adroite pour l'en empêcher et le lui enlever. Aussi, rapide, qui sait cela, ne quitte pas notre maison, et quand nous passons près de son ancienne demeure, il marche collé à ma robe, la tête droite et l'échine effacée. À la suite de ces crises, le pauvre chien reste triste tout le jour. Le plus souvent, son mal est subi, mais d'autres fois, on dirait qu'il le sent venir. Il s'éloigne de nous, alors, et pourtant, dans sa plainte, il y a comme un appel à l'aide. La crise passée, il revient vers nous en rampant, et son regard plein d'humilité implore miséricorde. Nous l'aimons comme un camarade. Il accompagne Valère à son magasin et le soir, sans jamais se tromper d'heure, il va au-devant de lui sur la route. Depuis plus d'un an que nous sommes ici, les longues lettres de Firmin et celles plus longues encore d'oncle Meunier me relient au passé et m'enlèvent toute inquiétude au sujet de ceux que j'ai laissés derrière moi. Seules les lettres de Manine m'ont fait supposer qu'un souci la tourmentait. Aujourd'hui, elle avoue enfin ce qui fait sa peine. Clémence ne veut plus rester au moulin. Devenue adroite à la couture, elle veut aller à Paris où elle compte trouver une place de mannequin dans une grande maison. Ainsi, elle pourra satisfaire sa passion pour les belles robes tout en gagnant honnêtement sa vie, et si sa mère refuse de l'accompagner, elle partira seule. Manine s'effraie de cette volonté qui a toujours dominé la sienne. Elle prévoit qu'il lui faudra céder encore. Ce n'est pas qu'elle manque de confiance dans le savoir de Clémence, ni dans son propre courage, mais elle craint l'air vicié de la grande ville pour reine qui reste délicate. Et puis, dit-elle, la beauté de Clémence devient réellement inquiétante. Reine qui profite toujours des lettres de sa mère pour me raconter ses petites peines et ses grandes joies, me charge cette fois, à l'occasion de Noël proche, de faire parvenir un billet ainsi adressé « À Monsieur Père Noël, rue du Petit Jésus, au ciel ». Bien au milieu de la page de beau papier fin, elle a écrit « Monsieur Père Noël, avant, quand j'étais pas sage, c'était pour de rire ». Mais depuis qu'Annette est partie, je suis sage pour de bon. Je vous demande Paris pour les étrennes de Clémence, et moi je voudrais une poupée boiteuse comme Annette. Je vous remercie bien, monsieur Père Noël. Reine. Sur du papier très ordinaire et d'une écriture peu appliquée, Reine me dit ensuite « Ils sont drôles ici. Ils croient que ma lettre au Père Noël n'arrivera pas. » Clémence se moque de moi, mais maman dit qu'autrefois c'était toujours toi qui envoyais les lettres de Nicole et Nicolas parce que les enfants ne savent jamais bien l'adresse et que le Père Noël ne demeure jamais au même endroit. Alors j'ai mis une adresse comme ça, parce qu'il y a sûrement une rue du Petit Jésus au ciel. Tu la changeras si tu veux, l'adresse, parce que moi, j'en sais pas une autre. Ta petite reine. J'ignore si Clémence aura Paris pour ses étrennes, mais je sais bien que dans le soulier de ma petite reine, il y aura une belle poupée boiteuse. Grâce à Valère, le commerce de ses patrons va maintenant à souhait. Eux-mêmes, repris d'activité, parlent de vendre une fois de plus leur maison pour en monter une autre. Par exemple, dans celle-là, ils installeront définitivement leur vieillesse. Ils la veulent vaste et luxueuse comme récompense à leur vie de travail et ils hésitent entre Paris et Nice, ces deux villes de luxe. N'ayant pas de famille, ils ont pris Valère en amitié et s'ils ne songent pas à en faire leur associé, ils désirent en faire un chef sur lequel ils comptent se reposer en tout et pour tout. Valère ne veut pas habiter Paris. Il y a fait son service militaire et il en garde une impression de resserrement qu'il craint d'y retrouver et qui lui rendrait le séjour pénible. Au contraire, il aime Nice qu'il connaît bien et qu'il me décrit. Il y place ses patrons au bon endroit. Ces deux vieux vivront là comme des princes et pourront jouir de leur fortune si durement gagnée. Il n'oublie pas non plus pour nous la petite maison hors de la ville afin que notre amour ne soit pas troublé par le bruit des fêtes. Au lieu de me réjouir avec lui, j'appréhende ce changement. « Il faut en réjouir, me dit Valère. C'est moi qui vais installer cette maison de commerce. J'y mettrai toute mon intelligence. Tu verras, tu seras fier de moi. De plus, le contrat qui va me lier à mes patrons n'est pas à dédaigner, je t'assure. Je pourrai t'offrir quelques bijoux et des robes qui te feront belle parmi les plus belles. Je n'ai aucun désir de bijoux et les robes que je porte plaisent à Valère qui me trouve déjà belle parmi les belles, assurant que mon visage est comme une fleur et mon corps de forme parfaite. Je m'efforce d'être joyeuse et de rire avec lui, car malgré tout ce qu'il peut me dire, mon appréhension persiste. Pourtant, je reconnais que dans cette affaire, Valère gagnera en quelques années de quoi s'établir pour son propre compte, alors qu'il aurait pu rester toute sa vie commis chez les autres. D'où me vient donc ce tourment d'avenir? Rapide seul connaît ces moments d'angoisse qui vont jusqu'aux larmes. La bonne bête se tient en face de moi, inquiet, prêt aux larmes aussi, semble-t-il. Je lui prends la tête et le regarde dans les yeux. « Vous autres, chiens, vous savez des choses que nous ignorons. Dis-moi, toi, ce qui arrivera. » Rapide se dresse, me lèche le visage, m'échappe et saute de joie dans la chambre. Et devant sa gaieté, je rembarre la sotte créature que je suis. « Allons, Annette Beaubois, tu es ridicule avec tes craintes. » C'est à Nice que sera monté le nouveau magasin de chaussures et Valère est parti ce matin pour en choisir l'emplacement. J'ai fait bonne figure à ce départ, mais l'heure d'après, je n'ai pu m'empêcher d'adresser une lettre qui arrivera sans doute à Nice en même temps que le voyageur. Qu'ai-je dit dans cette lettre? Je ne le sais plus. Je crains d'avoir troublé la joie de Valère et je me repens d'avoir écrit comme d'une mauvaise action. Pour faire cesser ce tourment, je sors de la maison. Viens, rapide, allons-nous promener. Nous sommes en février, il fait froid et il n'y a personne dehors. Après avoir couru un bon moment sur la route, Rapide s'engage dans un sentier de vigne et je m'y engage à sa suite. La dernière fois que je suis passé par ici, les vignes dénudées étalaient et emmêlaient leurs sarments et cela faisait au sol comme un rugueux tapis de cordes brunes. Aujourd'hui, il n'y a pas de tapis, les vignes sont taillées et les ceps noirs et tordus sortent de la terre d'un gris sale. Une tristesse me prend à les regarder. Il me semble marcher dans l'allée d'un cimetière où les morts chercheraient à s'échapper de leurs fosses. La plupart de ces ceps ont l'air de bras décharnés se dressant vers le ciel. Il y en a qui paraissent vous menacer de leurs poings noueux, tandis que d'autres avancent deux doigts écartés comme pour vous faire les cornes avec malice. Certains ont réussi à sortir leurs coudes de terre, et ce coude est si pointu qu'on devine qu'il deviendra vite crochu. Quelques-uns, comme l'a d'attendre, se sont repliés sur eux-mêmes, mais beaucoup ont un doigt recourbé qui vous fait signe. Je crains que ma robe ne s'accroche à ceux-ci, et d'une caresse je retiens mon chien qui veut s'en approcher. N'y va pas, Rapide, il te garderait. Le chemin aboutit à un petit étang que je ne reconnais pas davantage. Malgré ses bords d'un vert tendre, il me fait penser à une bête aux aguets derrière les roseaux. L'eau m'inquiète, elle est noire, immobile et comme huileuse. Un globule monte lentement du fond et reste là comme un œil vitreux. D'autres suivent avec la même lenteur, et bientôt à la surface, ce n'est plus que de gros yeux sans couleur qui me regardent. Puis quelque chose bouge et glisse dans les roseaux et, comme l'instant d'avant, je retiens Rapide qui veut s'élancer. N'y va pas, mon bon chien. Et prise de peur entre cet étang et les vignes, tenant fortement mon chien au collier, je reprends aussi vite que possible le chemin de la maison. J'ai une surprise en y arrivant. Une lettre de Valère est là. Je comprends que tout comme moi, il n'a pas pu s'empêcher d'écrire aussitôt après son départ et j'en ressens un extrême contentement. Sa lettre dit « J'avais l'air bien tranquille en te quittant, mais je ne l'étais guère. C'est la première fois que je me sépare de toi et je ne peux pas dire l'étrange malaise que j'en garde. Mon Annette, je sens bien que si je te perdais, je serais perdue aussi. Le bonheur que tu me donnes, je le cache et seuls les sages peuvent en voir l'éclat dans mes yeux. Je fais mon cœur large et doux afin que tu puisses t'y reposer à l'aise. Ton Valère. Je m'assieds et mes larmes coulent, mais Rapide sait bien que ce sont là des larmes pour rire. Il les lèche et il saute. Il lèche la lettre et bondit joyeusement au dehors où il aboie le nez au vent, comme pour remercier celui qui est loin et qu'il aime de tout son cœur de chien fidèle. La maison de commerce d'ici est vendue et le beau magasin de Nice ouvrira ses portes dès que les menuisiers et les peintres en seront sortis. En attendant, Valère a décidé que nous passerions cette dernière quinzaine d'août au bord de la mer, sur une petite plage de la Vendée. Firmin vient d'arriver pour profiter de nos vacances et aussi, dit-il, pour nous confier son secret d'amour. C'est la première fois que nous le voyons vêtu en militaire. Jusqu'alors, il a partagé ses permissions entre son père et sa mère. Il n'a guère changé. Son corps est resté mince et droit et la caserne ne lui a rien pris de sa gaieté moqueuse. Il tourne sur lui-même comme une toupie bien lancée pour nous faire admirer son costume de sergent. « Voyez comme je suis beau !» Nous rions avec lui et comme lui, nous sommes heureux à ne pas savoir le dire de ces deux semaines à passer ensemble. Redevenu calme, Firmin, après avoir visité la maison, et tenu un discours au chien, s'est informé longuement de notre vie courante. Il a ouvert les bras pour nous dire « Comme votre bonheur est grand !» Et Valère, en ouvrant les bras aussi, a répondu « C'est que nous l'avons fait à notre taille !» Il riait et se moquait en disant cela, mais ses yeux avaient un étrange éclat dans son visage blême. Le soir, dans le jardin éclairé seulement par les lumières du ciel, Firmin, tout à coup, nous a dit avec un léger tremblement dans la voix « Elle est brune et elle s'appelle Rose. » Cette jeune fille s'est fiancée à lui sans condition, mais le grand-père qui l'a élevée est un vieux militaire qui n'accordera pas facilement sa petite fille à un jeune homme qui ne serait pas dans l'armée. Et Rose, qui aime et respecte son grand-père, n'ira pas contre sa volonté. Aussi, elle presse Firmin de rengager afin d'aplanir entre eux tout obstacle. Et Firmin reprend sa chanson. Ses cheveux sont noirs comme la nuit et ses joues sont roses comme son nom. À peine arrivé au régiment, il l'avait remarqué se promenant au bras de son grand-père dans le square de la ville. De beaux sous-lieutenants la suivaient ou la croisaient sans qu'elle eût l'air de s'en apercevoir. Et Firmin, tout étonné de sa chance, ne s'étonne pas moins de son audace. « Croiriez-vous que moi, tout frais, bleu et petit piou-piou d'un sou, j'ai attiré son attention en la regardant au point de la faire rougir ?» Valère n'approuve pas leur engagement. « Ne te presse pas de prendre une décision. Je te garde une place dans ma maison de Nice. » Mais cela presse au contraire, car la libération de Firmin approche, et quoiqu'il n'ait aucun goût pour le métier militaire, je vois bien qu'il pense à ce rengagement comme à la seule possibilité de se rapprocher de celle qu'il aime. Sur la plage, nous restons tranquilles et sages comme des enfants surpris d'une trop grande récompense. Tous trois, nous aimons la mer et nous ne nous lassons pas de la contempler. Il y a des soirs où l'on jurerait qu'un bateau chargé d'oranges vient de faire naufrage sur la côte, tant le flot semble rouler des milliers et des milliers de ce fruit. D'autres fois, ce sont des étoffes moirées aux couleurs splendides que la mer étale à perte de vue. Firmin regrette de ne pas pouvoir les saisir pour les offrir à sa fiancée, et Valère regarde avec envie les tapis de soie bleue qui remontent du fond et s'en vont en se balançant vers on ne sait quel palais de fées. À la fin de la première semaine, nous décidons de longer la côte. Arrivés à un petit port d'embarquement, nous nous approchons d'un bateau de touristes en partance. Sur le pont, des marins s'activent, prêts à démarrer. « 2 heures de traversée et je vous ramène demain, » nous dit en riant le capitaine. Un gros passager qui rit aussi nous invite. « Venez donc, la mer est douce !» Valère, les yeux brillants de désir, se tourne vers nous. « On embarque ?» Et Firmin et moi de répondre ensemble. « On embarque !» Nous passons et voilà le bateau parti. Nous ne demandons pas même où il nous mène. « 2 heures de traversée et je vous ramène demain !» Et, tout confiant, nous gagnons l'arrière du bateau. La mer n'est pas si douce que l'a dit le gros touriste, et son balancement indispose un peu Firmin. Mais Valère n'est nullement indisposé. Il semble un autre homme sur ce bateau. Son teint s'est coloré, ses traits toujours un peu resserrés se sont ouverts. Il va et vient d'aplomb sur le pont comme s'il y avait toujours marché et les mouvements de la houle le transportent de joie. Il joue avec les enfants, il se porte au secours des gens qui perdent l'équilibre. Il est fort, il est brave et s'il lui arrive de recevoir un paquet d'eau qui l'inonde, il rit à la mer comme à un partenaire malin. Firmin, le regard fixé au large, me dit tout à coup « Pour mon amour, je braverai tout. » Il rapproche sa tête de la mienne et comme s'il parlait d'une fatalité sur notre famille, il baisse le ton. « Vois-tu, nous autres, les beaux bois, l'amour nous est nécessaire autant que l'air et la lumière. Je sens que j'aime cette jeune fille pour la vie, comme toi tu aimes Valère, comme notre mère aimait notre père, comme oncle Meunier aime tante Rude, et même comme Angèle aime son mari, car tu peux être sûre que pour lui, elle eût abandonné la prière et l'église. » Tout en écoutant Firmin, je continue à regarder Valère. Son exubérance m'étonne et m'effraie. Je me demande s'il n'est pas fait pour autre chose que le magasin de chaussures, et la crainte me vient qu'il n'aime le danger. Mais ma pensée ne s'y arrête pas. Firmin a raison, et je sens bien que quoi que fasse Valère, où qu'il aille, s'il le veut, je serai toujours à ses côtés.